sûr que ça va pas trop bien. Le monde sont vraiment sales pis on dirait qu'il y a pas de bain. Fait que ça reste en mer, ça reste sale pis c'est content. Passer sur une devise conne, j'aime t'en faire de l'argent. Pense pourquoi j'suis pas millionnaire. J'ai du temps à perdre, à vrai dire j'ai rien à faire. J'suis pas un gars d'affaires, mon avenir est pas prévu. J'envisage de pogner le cul, par du rap, par-dessus tout. Ça c'est ça le travail que j'travaille pour de vrai. J'donne tout ce que j'ai pour arriver à quoi qu'il plaît. Le rap qui sort c'est temps, c'est de rajouter puis dans ma flèche. J'peux être coupable d'être pas capable d'endurer la marque qui sort. Comme j'suis végétarien, comme on ferait du sport. J'tourne de bord assez vite, j'en viens sur mes lieux classiques. J'passe au rap basic, j'prends le bord assez vite. Fétiche, un petit gars comme un autre. Quand j'écris du rap, j'ai une tête des épaules pour gagner pique. J'avais payé, essaye pas faire pareil. Deux petits gars des banlieues qui prennent pas ça pour un jeu. C'est sûr que je me fais du fun, mais c'est tout si près que je me donne. C'est sûr que je me fais du fun, et qu'est-ce que pas des fois je déconne. Puis ça même si je suis un homme, puis je suis rendu autonome. Comme plusieurs ici, j'ai une dépendance à l'alcool. L'hiver, la bière classique, mais l'été, on sent la seule. On fait ça comme tout le monde, et trompez-vous, c'est pas le cas. Pour un danseur de break, je suis un danseur de polka. C'est comme ça qu'on m'a montré, c'est comme ça que j'ai appris. Quand j'ai de quoi dire, que ça change ou pas, je te le dis. J'aime le beat qui se danse, mais c'est encore mieux quand ça a du sens. Yo, j'aime pas les shit vite, ça qui paraissent immense. Des fois, faut qu'on s'arrête, qu'on s'en regarde, puis qu'on pense. Un groupe original, de temps en temps, ça compense. Comme l'air frais, fait de l'âge, je préfère les histoires de gangsters et l'arme à feu. Moi je te dis, tête de les armes à feu c'est dangereux. Mais les gars pensent que ça leur donne de la puissance. Comme une conne de testostérone, on fait des choses tellement connes pour prouver qu'on est un homme comme. Qui c'est qui a le plus beau genre ou qui a le plus long bâton? Moi en érection, mon pénis sera en Suisse. Vous me croyez pas, mais on s'assinera pas pour ça. Y'en a assez qui le font depuis longtemps. Certains disent que Dieu est vert, d'autres bleu. Pour ça ils se font la guerre, c'est niaiseux. Ce qu'il y a aussi de pas fameux, c'est l'industrie de la musique. Comme une chaudière qui ramasse les pommes de terre, puis qui essaie de les transformer pour qu'on veuille les acheter. Filer en chips ou en frites, c'est blade. Mais une patate, ça reste une patate. Certains qu'on me sonne ou qu'on me réveille. J'suis pris dans un pattern, pis man, mais c'est pas de la veille. J'suis matérialiste, quand j'ai pas ce que j'veux, j't'en crisse. Mais j'travaille pour avoir, que ça soit pour mes biens ou mes soirées, pas sauf le soir. La vie c'est pas un cadeau, c'est sûr que c'est pas toujours beau. Souvent j'me lamente, mais j'suis bien content d'être en santé d'avoir mes jambes. C'est sûr que ça c'est, j'suis pas sécure, moi t'avouer. J'vis ma vie à fondation, j'suis pas attention, c'est mon nom. Fétiche, vieille, face à un système capitaliste qui fait que j'bégaye. Des fois, j'ai peur un peu des fois. Y'a tellement de religions que j'suis en train de faire la foi. J'fais confiance à pas grand monde. Par la trahison, m'explose en face comme une bombe à tout bout de champ. Chant que j'vais poigner les nerfs calvaires. Pour oublier que sachez que ça va mal, j'suis à l'envers. J'trouve que le monde est rendu fucked up, j'suis à l'envers. La façon à moi de répondre à ça, c'est de faire des verres. Hey, t'as-tu vu ça? Quoi? Le monde sont des poids. Hein? Trois années de secondaire, pis lâche pour un emploi. Hey, tu comprends-tu? Mais t'es pas tout seul. Autour de s'ouvrir les yeux, parce que là on s'en vient con. J'constate, constate, des crises gratuites. Donne un appart gratuit au squat, il écrit ensuite. Puis ça va être quoi ensuite? On dirait que c'est un jeu de poule, on s'est empoché sa vite. Game over, game over. Nanana, game over, game over. Éduqué, mais mal élevé, perturbé, mais en santé. Regarde son, ça va où? Tout croche, arrangé en broche à foin. Avec un but, je m'en rappelle plus, plus rien de grave. Avez-vous trouvé votre raison d'exister? Bien sûr que non, ça me prend tout mon temps de courir après l'argent. Puis à court vite en crise, 40 heures semaine. À courir après les scènes pour en profiter seulement deux jours par année. Voyez une banque, c'est une solution, c'est une bonne chose que non, non, je vais faire faire une lobotomie. Les gens simples d'esprit ont toujours l'air épanoui. Puis je vais arrêter de me répéter. Yark, tabarnak, le monde est scrap. Yark, tabarnak, le monde est scrap. Dernier verse, alerte au dernier verse pour clôturer le track. Avant faire une fin qui frappe, bien épique, on est battre. Sauf n'est pas joué dans nos pattes. Le refrain est absent, mais c'est un val qu'on apportait. C'est juste des choses qu'on dit, qu'on dénonce qui sont vraies. Des fois faut penser, des fois faut se laisser aller. Maintenant c'est le moment de faire un regroupement. Puis te laisser aller sur de quoi qu'on a fait, sur de quoi qu'on s'est donné. Mais y'a rien à fredonner.